Amis humains, bonjour. Voici dans le cadre de notre thème, histoire de la robotique. Jibo, le succès fulgurant d'un compagnon robot pour la famille. Jibo, ce nom devrait vous dire quelque chose. Depuis une quinzaine de jours, on assiste à une véritable déferlante sur le net. On ne compte plus les articles consacrés à ce petit robot familial créé par une start-up américaine, ni les dollars qui s'accumulent sur la page Indiegogo du projet. Peut-on faire suffisamment confiance à un robot de compagnie pour le transformer en véritable assistant quotidien pour tous les membres d'une famille? Peut-on lui demander d'être un secrétaire, un professeur, un ami, un coach personnel? Santa Breazeal, directrice du groupe de recherche sur les robots personnels OMI de Boston, en est convaincue. Son équipe a mis au point un assistant robotisé familial, Jibo. En trois mots, robot, open source, $499. En seulement quelques heures après sa mise en ligne le 16 juillet sur la plateforme de crowdfunding Indiegogo, la barre des $100 000 récoltés était dépassée. La campagne se terminera le 15 août au soir. L'équipe devrait atteindre les $1,5 million. Ce succès n'est pas sans rappeler celui d'ExoPlu, un projet de drone caméra qui a réussi à rassembler $1,3 million sur Kickstarter avec un objectif initial de financement à seulement $50 000. Description du Jibo. Le prototype présenté par l'OMI est un robot d'environ 28 cm de haut avec une base circulaire de 15 cm de diamètre et pesant 2,7 kg. Facile à transporter, le son design épuré lui confère des allures de lampe de chevet. Il se pose sur une surface plane, est équipé de micros, de caméras et d'un écran tactile. Relié à une appli smartphone via Wi-Fi, le robot est en mesure d'identifier et de suivre les différents membres de la famille ainsi que leurs messages personnels et des rappels. Jibo pourra également être amené à interagir avec d'autres appareils connectés de la maison. Trois moteurs et une coque rotative, aluminium plus plastique ABS, en son centre lui permettent de s'orienter dans toutes les directions et de suivre ainsi des visages à 360 degrés. Se tourner vers la personne qui lui parle et lui présenter l'écran face à elle, de prendre des photos à des moments opportuns comme une soirée entre amis, une fête de famille, etc. Grâce à ses capteurs de vision et quelques lignes de code, il sait détecter quand une personne est en train de poser pour une photo et Jibo s'exécute. Il se branche au secteur et une batterie, non incluse, lui confiera une autonomie de 30 minutes. Sur le principe, rien d'innovant par rapport à d'autres projets de robots connectés domestiques à faible encombrement. Nous vous avions présenté le projet français Mesure, ou encore Keak et Wadan, qui sont tous des robots pour relier les membres d'une famille à un terminal qui centralise l'activité de ces personnes et est capable de faire des suggestions, des rappels ou d'envoyer des alertes à chacun. Le robot est aussi doté de sentiments qu'il exprime à travers le rire, un changement du ton de sa voix en fonction du contexte. Jibo pourra par exemple raconter une histoire pour endormir un enfant, ou lui faire réciter une leçon, lui réserve un accueil agréable quand il rentre de l'école. Qui est Santa Breazeal, la créatrice du Jibo? Santa Breazeal a fait ses études dans les années 1990 au MIT. Elle était l'élève du célèbre roboticien Rodney Broll, le père du robot collaboratif Baxter, dont nous avons consacré plusieurs articles sur ce site. Pendant ses études, elle a eu l'occasion de se pencher sur la question des robots dits sociaux, censés s'introduire dans la vie de millions de gens, interagir et collaborer, dans les années à venir. Dans les années 2000, Dr. Breazeal a pris la tête du groupe de recherche sur les robots personnels qui fait partie du MIT Media Laboratory. Elle est surtout connue pour avoir mis au point la tête robotique évoluée KISME, qui est capable de comprendre et d'interagir avec les humains, bébés et enfants en particulier, grâce à ses actionneurs, capteurs et son intelligence artificielle. Ci-dessous une photo de KISME, robot expressif qui peut imiter les états émotionnels des humains. Jibo en cours de développement. Jibo a encore beaucoup de chemin à parcourir avant de devenir le robot compagnon idéal. En effet, il est encore au stade de prototype et n'est pas pourvu d'une intelligence artificielle qui lui permettrait de tenir une conversation avec une personne par exemple. La version à $599 en précommande sur Indiegogo est destinée aux développeurs qui voudraient faire avancer le projet. Elle comprend un ensemble SDK et une API basée sur JavaScript ainsi que l'accès au programme de développement du Jibo. En rendant le robot open source, l'équipe espère que la communauté apportera de nouvelles idées qui le feront progresser. Une approche également adoptée par Adebar en Robotics pour son robot émotionnel Pépère. Le succès du Jibo est fulgurant, il n'aura fallu que 6 jours pour que le projet ne dépasse la barre du $1 million. Les précommandes seront livrées à partir de décembre 2015. À ce jour, le projet en est à $1,2 million récolté. La start-up a fait la promesse d'améliorer de manière significative la plateforme Jibo si la barre des $2 million est atteinte. Vous avez jusqu'au 15 août pour soutenir le projet sur Indiegogo. Le robot une nature d'esclave. Pas si sûr ? À bientôt, grosse bise numérique.